Attends, près du gouffre, l'humanitude lavera la route. Si sale, si sale, allez nettoie tout ce qui ne va pas. Pourtant des poutres nous soutiennent, nous récupèrent. Allez gens, la tâche nous appelle. À présent je dis non mon très cher, non autant l'énergie délétère. Je l'éloigne de l'amour fraternel, s'éloigner est devenu naturel. Ta souffrance est pénible, récupère. Elle qui touche nos entrailles, l'univers. Les symptômes sont multifactoriels. Utilise tous nos bons conseils. En suivant l'origine des soucis jusqu'au coup de tonnerre, là où ils s'attachent, la tâche nous emmène. Allez-y, Alexis, je t'invite à détruire cette foudre. Il est temps que ces choses partent, que ces choses partent. La tâche nous emmène. La tâche nous emmène. La tâche nous emmène. On est largué par un amour presque, les échanges si comme s'il était tant d'enjeux. Une étrange tristesse s'empare de nous dans la salle d'attente. Dissociatif, paranoïaque, par quelle substance je m'enlève. Je ne sais pas si le temps nous le rendra intact. Attends. Tu garderas la route. Si. salsit. Allez, nettoie tout ce qui ne va pas pour t'en dépouiller. Allez, gens, la tâche nous appelle. Do.